un tambourjon rose pétale. Il n'est pas de saison fatale. Quelques lettres d'amour, feuilles mortes et ce vent qui gratte à ma porte. Que vienne l'hiver et le gel, que vienne les glaces et le sel. Printemps bourgeon, rose pétale, il n'est pas de saison fatale. Ce soir la ville est féerique, comme toi elle est magnifique. Regarde, regarde comme elle brille, mon amour, ma petite fille. Printemps bourgeon, rose pétale, il n'est pas de saison fatale. Ce soir on dort à Rochechouart, c'est sûr il y a mieux comme dortoir. Tu sais, j'ai encore des copains. Tant qu'on était galopins, il chante, il joue de la guitare, il boit beaucoup jusqu'à très tard. Ils seront un peu ta famille, désormais ma petite fille. Printemps bourgeon, rose pétale, il n'est pas de saison fatale. Il chante, il joue de la guitare, il boit beaucoup jusqu'à très tard. Ils seront un peu ta famille, désormais ma petite fille. Printemps bourgeon, rose pétale, il n'est pas de saison fatale.